ne m'attends pas. Je me suis fait crever dans le battant bas. C'est un vrai scandale. J'avais de la bétulée de Atlanta. Je suis un sika comme Nima. C'est Toto, ouais Rina. Je suis un sika comme Nima. Genre de chez Gucci Sima. Je suis standard en Hollanda. Bébé envoie les mandats. Une fiche de recherche. Un trafic en inter. Mal à la tête, elle fait mal à la. Mal à la tête, elle fait mal à la. Mal à la tête, elle fait mal à la. Mal à la tête, elle fait mal à la. J'suis dans une nouvelle ère, dans un nouvel art. Dans une nouvelle ère, dans un nouvel art. C'est le nouvel an, et ça tous les soirs. C'est le nouvel an, et ça tous les soirs. J'fais pas semblant, tu m'as semblé belle mais trop bavarde. Et personne va te hagarder, le DZ c'est faire la bagarre. Les petits savent cavaler, cache pas cela va dans la cahier. Bébé tu sais te pavaner, buenos dias c'est bonne année. J'suis avec le V, tu m'as vu toujours dans la rue. Si je me fais crever, oublie pas d'appeler mon baveu. Tu connais déjà, double quiche, une nouvelle repée. Mais n'oublie jamais, pour de vrai c'est toujours la reggae. J'suis standard en Hollanda. Bébé envoie les mandats. Une fiche de recherche, un trafic en inter. Mal à la tête, elle fait mal à la. Mal à la tête, elle fait mal à la. Mal à la tête, elle fait mal à la. Mal à la tête, elle fait mal à la. J'suis dans une nouvelle ère, dans un nouvel art. Dans une nouvelle ère, dans un nouvel art. C'est le nouvel an, et ça tous les soirs. C'est le nouvel an, et ça tous les soirs. Sous son charme, ensorcelée, elle me drague sous champagne.